Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 19. Au menu, un truc pour connaître la taille des images dans Google Chrome, les modes de mise au point expliqués, un logiciel pour obtenir une profondeur de champ étendue et le test du Canon T4i. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. François, Christian et moi-même, Stéphane. Alors, on a un épisode bien rempli. Et on va commencer directement par un truc tout simple. En fait, il s'agit d'une extension pour le navigateur Chrome. L'extension s'appelle Image Size Info. Et on vous donnera le lien, évidemment, dans les notes d'épisode pour la télécharger. Mais si vous cherchez, justement, Image Size Info avec Chrome, vous allez la trouver. Ça prend quelques secondes, vous l'installez. Et une fois installé, vous faites un clic droit sur l'image. Et en cliquant sur View Image Info, vous allez voir la taille originale de l'image, la taille affichée. Et ensuite, la taille du fichier, en fait, en nombre de kilooctets. Par contre, maintenant, j'ai remarqué que dans Google, dans le site de recherche, le moteur de recherche Google, quand on va dans les images, si on clique sur une image, ça nous affiche les dimensions de l'image, justement. Donc, c'est quand même assez récent. Mais si on ne veut pas passer par là, si on veut vraiment aller, on arrive sur un site, on voit une image et on veut connaître sa résolution et savoir par le fait même si c'est la résolution originale ou si elle a été redimensionnée. On peut faire le clic droit avec cette extension-là. Puis à la limite, toujours en faisant le fameux clic droit sur l'image, là on peut faire ouvrir l'image et là on va l'avoir dans sa dimension, sa pleine dimension. Ah, c'est pratique. Hmm. Oui, toujours des... Surtout quand c'est un petit truc comme ça qui prend quelques secondes à installer. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être utile. Maintenant, on va passer au mode de focus que Christian va nous expliquer plus en détail. Je sais pas, moi ça fait comme plusieurs fois que je vous parle un peu que, bon, moi le focus malheureusement à cause de mes yeux, surtout à distance, c'est pas très bon, alors je me fie énormément au mode d'autofocus. Mm-hmm. Je joue beaucoup avec les points d'autofocus. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plusieurs modes de points d'autofocus qu'on peut avoir. Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais quand même en revenir parce que ça a aussi un peu un impact par rapport à ça. Les modes, dans le fond, c'est quand on a, mettons, nos points en mode automatique, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent trouver le premier point le plus proche de lui, ce qu'il va, puis il va trouver le focus là-dessus. Le problème avec ça, c'est si, mettons, il y a un enfant qui est en avant-plan, puis toi, c'est l'adulte qui est en arrière-plan que tu veux faire le focus, ça marche pas. Mm-hmm. Il va faire le focus en avant-plan, tu vas avoir trop de profondeur de champ, le résultat sera pas le bon. Fait qu'on doit tomber au mode manuel. Quand on choisit le point d'autofocus, on peut avoir plusieurs choses. On peut choisir un point. Là, si on en a 11, ben c'est un des 11 points qu'on choisit. Si on en a 19, etc., bon, on choisit un de ces points-là. Comme vous, je pense que vous autres, vous utilisez moyennement ça. Ce que vous avez déjà dit dans la chose, on peut faire, on choisit, mettons, on laisse, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent toujours au milieu. Mm-hmm. On fait le pré-focus en choisissant où ce qu'on veut aller et on redéplace par on après, recompose. On prend la photo. Oui. C'est une façon de faire les choses, ça fonctionne très bien. Moi, j'avoue que je préfère bouger mes points, mais bon, chaque personne le fait différemment. J'ai remarqué aussi, par exemple, ça dépend des caméras. Parce que je trouve, mettons comme ma 7D, j'ai deux façons que je peux le faire, bouger les points d'autofocus, puis c'est ça qui est le fun. Il y a la molette qui permet de bouger dans les quatre directions, qui te permet de le faire facilement, choisir ton point d'autofocus. Ou quand tu es vraiment rendu habitué, tu as la molette d'ouverture et la molette pour changer la vitesse, te permet d'aller de droite à gauche et de haut en bas. Fait que quand tu es habitué, tu changes rapidement l'un à l'autre, tu es changé, tu as fait ce que tu voulais, ouais. En temps de le dire. Troisième chose, c'est autofocus de zone. Je crois que Nikon, c'est 3D qu'il l'appelle, qui dans le fond, on choisit une zone en particulier, puis au lieu d'avoir au complet, il va juste choisir dans cette zone-là un point d'autofocus. C'est bon, moi je l'ai utilisé entre autres... quand je faisais des photos pour ma fille de soccer l'été, etc., on choisit, mettons, comme la zone du haut pour avoir le visage au focus, puis l'ordinateur de ta caméra va décider lequel point qu'il veut le faire. C'est pas parfait non plus parce que il peut décider de focusser sur la personne en arrière, la personne en avant, etc. Mais le résultat en général est quand même assez bon. Là. Mm-hmm. C'est pas si mal. Il y a, dans certains cas aussi, un autre qu'on peut rajouter qui est le cross-type. Je connais pas le terme français, j'ai pas réussi à le trouver. C'est de type croisé, tout simplement. Parce que, crois, de type hybride, parce qu'il utilise deux méthodes de calcul. Là, pour. C'est ça. Ce qui est le plus plaisant de tout ça, c'est, dans le fond, c'est un point statique qu'on choisit. Sauf qu'il peut prendre les quatre points qui sont autour pour aussi calculer son focus, pour le refaire. Moi, maintenant, je n'utilise que ça. Mais par contre, vérifiez sur Internet parce que d'un, je pense pas que c'est disponible sur tout. Puis de deux, même sur la 7D, c'est quelque chose qu'on doit activer dans un menu supplémentaire. Il n'est pas de base sur la caméra. Oui, et il y a beaucoup d'appareils où il y a seulement le point central qui est cross-type et les autres points ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté la 60D plutôt que le T3i chez Canon, parce que le T3i avait seulement le point central et la 60D, les 9 points sont cross-type. C'est ça. Moi, les 18-19 points sont cross-type. Fait que c'est pratique. Ça fait une différence. Une différence, définitivement, parce que dans le fond, on a le meilleur des deux mondes. C'est comme si on a une zone plus restreinte, puis ça te permet d'avoir toujours un focus qui est beaucoup mieux, puis tu promènes ta zone, dans le fond, un peu partout. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup le mode. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais encore une fois, il va falloir aussi que, même si on fait un focus, on a deux choses qu'on peut faire. Ça peut être, si on prend une photo qui bouge pas, notre caméra ne calculera pas de la même façon que s'il y a une photo qui bouge. Le sujet. Exactement, le sujet. Merci d'avoir spécifié. On a le mode one shot. C'est ça. Le one shot, dans le fond, lui, c'est vraiment pour des sujets qui ne bougent pas. La raison étant que le mode AI Servo, ou continue pour les Nikon, ce que lui fait, c'est qu'il va essayer de prédire où est-ce que ton sujet s'en va. Ce faisant, ben, il va ajuster l'autofocus en conséquence. Personnellement, je vous avoue franchement que si, mettons, je vais en studio ou quelque chose de même, là, oui, je vais le mettre en one shot, mais sinon, le résultat, je le laisse en AI Servo parce que tu ne sais jamais qu'est-ce que tu vas faire comme photo, à quel moment. Ouais. Tu ne sais pas qu'à un certain moment donné, tu essaies de prendre un enfant qui se promène, puis tout ça, puis sincèrement, ça fait une bonne différence. Je l'ai vu entre les deux, puis le focus se fait moins bien, se fait moins rapidement. Vous pouvez le tester, là, mais... Moi, je vais essayer ça parce que je me mets pas souvent en Peux-tu AI nous dire, c'est quoi le AI Servo? Le AI Servo, là, oui. C'est comme... Qu'est-ce que ça fait, au c'est juste? Comme un mode, une intelligence artificielle qui calcule... calcule où est-ce que ton sujet s'en va. Il fait comme une... Comment je pourrais dire? Il planifie, mettons, je sais pas, exemple, ton sujet s'en va de droite à gauche dans ton écran. Oui. Lui, il calcule, puis il essaie de dire, OK, ben techniquement, si, avec la vitesse, avec les affaires, il devrait être à peu près là. C'est pas parfait, là. Entendons-nous, là. Faut pas s'attendre à avoir des miracles avec ça, là. Mais ça recompose plus vite, ça recalcule plus vite que toi si tu le fais à la main. C'est ça. Mais exactement. D'accord. Je m'en suis pas servi souvent parce que je trouvais que ça recalculait trop souvent à mon goût. Ah, j'entendais le petit moteur dit. Puis là, je me disais. Ça dépend de ton objectif aussi. Ça dépend de bien des facteurs. Ça dépend de bien des choses. Fait que c'est pas parfait, mais moi, comme je vous dis, moi, c'est pas mal. 90% du temps, même plus, il est en AI Servo. Je trouve que c'est plus simple comme ça. Ah, ben je vais essayer ça. C'est honnêtement pas mal tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez des questions ou des choses, des commentaires, gênez-vous pas, parce que c'est un sujet qui est simple et complexe en même temps. Oui, absolument. Petite parenthèse aussi, il y a un autre mode qui s'appelle AI Focus, qui lui est en fait une espèce d'hybride. Il commence à one shot, puis s'il se rend compte que le sujet bouge, il va switcher automatiquement en AI Servo. Ben, il va change pas vraiment le mode, là, mais pour lui, là, il fait comme de l'un à l'autre. Je vais être honnête avec vous autres, je l'ai pas vraiment testé parce que moi, j'avais lu quelques affaires comme quoi sur Internet, c'était moyen, c'était pas très fiable. Ben, en fait, je me suis pas fié beaucoup à celle-là. Probablement que par le temps qu'il détecte que le sujet bouge, il est déjà trop tard. Exactement. Exactement. Fait que j'imagine que ça dépend peut-être de ta caméra, de bien des facteurs. J'avais lu que la fiabilité était moyenne, fait que de pas trop se fier à lui, de te préférer d'y aller au AI Servo, fait que pour de toute façon, ça c'est principalement sur les boîtiers Canon, hein, en effet. Okay. En effet. Parfait. Maintenant, je vais vous présenter un petit logiciel qui s'appelle Combine ZP, qui permet d'augmenter la profondeur de champ, si on veut, d'avoir une profondeur de champ étendue quand on fait de la photo macro photographie. Ah, intéressant. Quand on fait de la macro, justement, on a très peu de profondeur de champ, comme on l'a déjà expliqué. Et ça, évidemment, si on veut ajouter un peu de profondeur de champ, mais ça permet de combiner plusieurs clichés ensemble et de créer ce qu'on appelle un hyperfocus ou un empilement de focus. Donc, ça permet d'obtenir une seule et unique image là, qui va augmenter. C'est bien. Est-ce que tu l'as testé? J'ai pas essayé parce que j'ai pas d'objectif macro. Ah ouais. Okay. J'aurais pu utiliser peut-être le mode macro sur un appareil là. Oui, j'imagine avec ça, tu peux arriver au même mode. Non, malheureusement, je l'ai pas essayé. Mais mon petit doigt me dit qu'on va revenir sur le sujet de la macrophotographie et on pourra à ce moment-là l'essayer même et en reparler. Mais je voulais le présenter quand même parce que je trouvais l'idée intéressante. Mm. Puis c'est un logiciel libre, donc c'est gratuit. Et on peut le télécharger via les notes d'épisode. PC, Mac? C'est un logiciel PC. Bouh! Ben non, moi je vois pas de problème à ça. Non, je blague, ça me dérange pas, j'ai les deux à maison. Alors voilà, on passe maintenant au dernier segment, le test du Canon T4i. François. Mais oui, j'ai eu la T4i entre les mains. C'était vraiment agréable. C'est toujours le fun d'avoir un nouveau modèle qu'on peut s'amuser avec puis regarder les différences avec le modèle précédent. Donc, ce que j'ai remarqué avec la T4i qui est différent avec la T3i, parce que là, on parle de pas beaucoup de différences. C'est le même boîtier. Mm-hmm. Il y a quelques trucs qui sont différents. Alors, bon, je vais commencer en parlant des mégapixels. 18 mégapixels, ça reste la même chose. La première chose qu'on remarque, c'est que il y a un bouton pour aller en mode vidéo sur le dessus directement. Bouton dédié. Dédié. En fait, c'est le même bouton on off et. Ouais, c'est ça. On passe de la position off à soit on ou vidéo. C'est ça. Ah, c'est bien génial. Ça. Oui, ça c'est le fun parce que bon, on peut y aller vraiment rapidement. C'est très intuitif. Ça c'est parfait. Une autre chose qu'on remarque en jouant un petit peu avec, c'est que l'écran est tactile. Donc, c'est le premier DSLR officiellement avec un écran tactile et qui permet de faire le focus avec le doigt directement dans l'écran et aussi prendre une photo, comme tu as parlé au dernier show, Christian. Donc, c'est... La sensibilité, es-tu bonne? Oui, c'est excellent. Est-ce que tu peux zoomer avec l'écran? Non, tu peux pas zoomer. Mettons exemple, d'ailleurs, j'avais oublié de le spécifier à l'autre épisode, mais avec le PM2, si on regarde une image, puis tu pèses sur l'écran, tu peux zoomer dans ton image. J'ai pas fait le test. OK, en mode de visionnement de photo. En mode de visionnement de photo, exact. Moi, je l'ai testé en mode caméra, pas en mode visionnement. Peut-être que ça le fait. Ça serait à vérifier. En mode photo, on arrive à faire le focus en pointant l'endroit où on veut, où ce que le focus se fasse. C'est comme un iPhone, comme un téléphone intelligent. Fait que ça, c'est, encore une fois, j'adore ça, l'approche, parce que c'est hyper facile. On comprend tout comment ça fonctionne. Et pour avoir évolué dans les menus, ça va vite aussi. Là. Pour aller changer 2-3 paramètres, ça va vraiment vite avec le doigt. Ouais, j'avoue, ça... Il y a une chose, c'est petit comme écran. Moi, j'ai des bonnes pattes, là. Fait que avec mon doigt, là, c'était facile d'accrocher la fonction d'à côté. Mm-hmm. Bon, mais on s'y habitue. C'est pareil comme un téléphone intelligent avec les claviers... Toi, t'as toujours ragé contre le clavier virtuel du iPhone et compagnie parce que... les touches étaient trop petites. Je dois dire que même si moi je suis un fan, je rage aussi. Mais j'ai des gros doigts moi aussi. C'est pour ça que j'ai un Samsung S3, l'écran est plus grand. Donc le clavier virtuel aussi. Bon point. Il y a un nouveau processeur qui est le DigiC 5 au lieu de DigiC 4. Mm-hmm. Ça amène quelques différences au point de vue technique dans certains types de photos qu'on va chercher. Dans les couleurs foncées, ça va corriger quelques affaires, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil. C'est pas la fin du monde. Pas du tout. Il fait 5 images secondes au lieu de 3,5. C'est bien. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal, mais on se rend compte qu'il y a des caméras compactes qui font mieux que ça. Ça reste quand même surprenant. J'aurais aimé ça qu'ils en mettent un peu plus, mais j'imagine qu'ils protègent le... Oui, mais les caméras, les appareils photo compacts que tu parles, ou les 4 tiers, c'est des appareils qui n'ont pas de miroir nécessairement. C'est ça. Donc, ça permet un mode rafale plus vite à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mais moi qui a une caméra 7D, Christian aussi, on va quand même chercher 8. C'est 8 images secondes. Donc c'est possible de le faire. Ouais, ouais, ouais. Mais j'imagine qu'il protège le marché de la 60D, par exemple, ou quelque chose comme ça. Fait que c'est correct aussi, je comprends. En termes ISO, on monte jusqu'à 12 800, jusqu'à 25 000 si c'est extrapolé, je pense. Ouais. C'est, ouais. Bon, c'est étendu. Étendu. À 12 800, c'est déjà trop haut. On n'a pas besoin d'aller autant que ça, mais la caméra le fait. Autre truc qu'elle fait aussi en mode vidéo, c'est l'autofocus. Est capable de suivre le sujet en vidéo en autofocus. Je vous conseille pas de le faire avec la lentille, l'objectif qui vient avec la caméra. C'est extrêmement bruyant. Oui, hein? C'est pas c'est pas celui-là qui est, que le mode STM qui est supposé être... Non, ça vient pas avec. Ça vient pas avec, t'es pas sérieux. Ben, pas de base. Il y a peut-être des packages qu'on peut avoir, des... Oui, peut-être. Mais c'est ça, il recommandait de toute façon d'utiliser un micro externe parce que, de base, là, l'objectif qui était avec, c'est beaucoup trop bruyant, parce on entend juste ça. Pour que je mentionne, le STM, c'est Silent... C'est Step Motor. Oui, qui est supposément une technologie pour, quand il fait le focus, ça devrait faire moins de bruit. Un peu comme le USM, mais... moins cher. Mm-hmm. Ouais, c'est silencieux. Là, pour avoir lu un peu sur le net là-dessus, c'est silencieux. Donc oui, je vous recommande d'aller chercher ces objectifs-là si vous faites du vidéo parce que sinon, vous allez entendre juste le bruit de l'objectif de base. C'est vraiment, mais vraiment pas agréable. Par exemple, une 1835 là, qui est disponible STM, c'est un objectif parfait là, pour un peu tout faire. Il y a un mode de retouche photo intégré dans la caméra quand on visionne. C'est définitivement devenu de plus en plus à la mode, ça. Ouais. Ouais. Bon, moi, je trouve ça OK. Ouais, c'est... j'avoue, mais juste un peu comme tu disais, l'écran est tellement petit, je sais pas. J'avoue que... moi, en tout cas, j'aurais pas la... C'est parce qu'on peut mieux voir à l'écran une fois qu'on fait de la retouche. Ouais, c'est ça. On peut mieux voir ce qu'on fait. Bon, mais c'est pratique si on veut avoir un petit look instantané, genre sépia. Ouais, c'est ça. Toi qui adore ça. Ah, tout à fait. Donc, ça fait aussi ces fonctions-là. Et puis, c'est pas mal tout déjà ce que j'ai à dire sur la T4i. C'est un bon achat, évidemment. S'il n'y a rien qui vous branche dans les nouveautés, foncez sur la T3i. Elle vient de descendre de prix grâce à la T4i qui vient d'arriver. Mais parce la T3i, est-ce qu'elle avait un écran tactile? Non, la T3i? Non c'est ça. C'est la T4i est officiellement le premier DSLR avec un écran tactile. Mais par contre, elle avait l'écran qui bougeait. C'est un flip. Mais le T4i aussi. T4i continue dans la même veine. C'est un écran flip. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, donc, ça doit être juste question de différence de prix rendu à ce point-là. Là. Oui. Ben, oui. C'est ça. C'est que là, tu as un mode rafale plus rapide. Tu as l'écran tactile. Tu as des trucs améliorés. Mais si c'est pas des choses dont tu as besoin nécessairement, c'est pas rien. L'autofocus qui fait vidéo. Comme... Ouais. Le test un peu l'autofocus vidéo, à part du fait que c'est bruyant, c'est-tu pas pire? Pas rapide du tout. C'est vraiment... Ben peut-être que tu n'avais pas le bon objectif pour le faire aussi. Peut-être que les objectifs STM sont plus rapides, mais c'est pas quelque chose... Quoi qu'il en soit, en vidéo, je recommande à personne d'aller en mode automatique. Non, je suis d'accord. Sauf si c'est pour vraiment faire quelque chose de... C'est que le grand public, tu sais, les gens en général... ont pas l'habitude de faire un focus manuel en photo. Là, si on leur met le focus manuel en vidéo, c'est pas convivial. Donc, c'est pour ça que Canon a mis un mode automatique. C'est sûr. Parce que, clairement, en vidéo, c'est préférable de pas faire... Mais ils travaillent très mal. Ils sont pas arrivés à avoir la même technologie que dans un caméscope qui est capable d'analyser plusieurs parties de l'image. Ils sont vraiment au début. Là. Puis, quand on travaille avec des objectifs à grande ouverture comme ça... la profondeur de champ est si mince que ça prend vraiment un processeur capable d'analyser un paquet d'informations. Ça donne ce que ça donne. C'est vraiment pire qu'un caméscope ordinaire. Là. C'est ça, le caméscope, la profondeur de champ, c'était inexistant. C'est plein, le capteur il est tellement petit. Donc, le processeur n'a pas de misère à faire la mise au point. Il y a tellement de profondeur de champ que tout est au foyer. T'sais. Exact. C'est comme si on prend des photos à F16, à F22. Tout va toujours être au foyer. C'est moins compliqué à faire le foyer à ce moment-là. Mm. C'est la même chose. On commence à peut-être à améliorer, mais on n'est pas encore là. Non, non. Donc, bon. C'est, j'adore ça. Une T4i, pour moi, c'est un appareil que je me reconnais facilement là-dedans, dans les fonctions. C'est question, l'évolution. Question poids, grosseur versus, mettons, je sais pas, la 7D, c'est une grosse différence? Ah, c'est plus petit. C'est plus petit, plus léger. C'est quand même un appareil qui est aussi pas fait, qui est pas construit aussi solidement. Ouais, c'est ça. On juste... s'entend que c'est pas le même marché. Non, c'est pas le même prix non plus. Exact. Mais en bout de ligne, à moins d'être hyper technique, ça fait des aussi belles photos. Ah, c'est tout à fait. C'est l'objectif qui compte, comme on a déjà parlé. Ouais. C'est tellement l'objectif qui est important là-dedans. Capteur de 18 mégapixels. Ça peut devenir intéressant pour quelqu'un d'avoir un appareil un peu plus petit, un peu plus léger, même s'il est un peu moins solide. Ça peut quand même être intéressant malgré tout dans certains cas. Là. Mm-hmm. Pour moi, c'est un appareil de choix quand on pense aller en DSLR. C'est vraiment un appareil de choix parce qu'on a toutes les fonctions professionnelles d'un appareil photo DSLR sans en payer le prix tout de suite. Mm-hmm. C'est quelque chose qui va nous amener ailleurs si on aime ça, si on veut aller plus loin. C'est vraiment un bon appareil pour ça parce qu'on va s'être équipé en objectif puis tout ça. Puis on va être prêt pour simplement changer la caméra elle-même et non les objectifs. On va pouvoir continuer. Ben, c'est bon. Ça. Quand j'ai commencé, justement, je savais pas trop vers quoi m'aligner. J'avais acheté le XSI. La gamme des T1i, T2i n'existait pas. Et c'est exactement pour ça que j'avais choisi l'appareil parce qu'il était à un prix abordable. Il venait avec l'objectif, etc. Donc, c'est un bon appareil, justement. Je ne dirais pas d'entrée de gamme parce qu'il y en a des moins performants que ça. Ouais. Mais ça permet... Moi, je ferais un parallèle en disant que ça permet justement d'entrer dans le monde des DSLR, des réflexes. Ben, c'est ça. C'est de voir si on aime ça, premièrement, parce que c'est un petit contrat quand on arrive là-dedans. Là. Oui, parce qu'on ne s'achète pas ça pour le laisser en mode automatique. Ben, là, idéalement, non. C'est ça. Même si je suis sûr qu'au moins 50% des gens... Oui, moi aussi j'en connais. Puis j'ai commencé moi-même en mode automatique, mais ça n'a pas été long que j'ai changé parce que mon but premier en l'achetant, c'était de me débarrasser du mode automatique. Mais il y a des gens qui vont dire « L'appareil est plus gros, il va faire des meilleures photos. » Ben, en le laissant en mode automatique, pas nécessairement. Tu sais. Avec le flash qui on gagne juste la profondeur de champ. Tu sais. C'est ça. Quand on se met en automatique, c'est tout ce qui reste. Bon, ben, excellent. Merci beaucoup, François, pour ta critique. Ça fait plaisir. Et ça conclut ce 19e épisode. Alors, merci beaucoup, Christian. Merci. Merci, François. À la prochaine. Merci à vous, chers auditeurs. Et pour nous rejoindre, c'est comme d'habitude, je crois que vous connaissez les adresses par cœur. Podcast à commercial. objectifnumérique.com, sur Twitter au numérique et les autres réseaux sociaux Objectif Numérique. Merci, à la prochaine.